Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici galère... Oui, pardon. C'est excellent. Ah, merci. C'est excellent. Voici galère d'humoriste avec un invité exceptionnel aujourd'hui, monsieur Julien Santini. Salut à tous. Salut Julien et merci d'avoir accepté l'invitation. Donc dis-moi tout, tu avais une ou plusieurs galères à nous raconter? Alors donc je vais parler de ma carrière, hein. Ouais, puisque c'est une galère. Non, non, mais galère, je pense que... Oui, tu me parlais tout à l'heure un peu plutôt des bides, oui, et tout, etc. Galère, une anecdote, un truc en rapport avec la scène. Bah écoute, des bides, hein, tout simplement. Ouais. Ces moments où tu as envie de rentrer chez toi, ces moments où les gens te disent de mourir, que tu as eu, mourir, mais en sachant que tu as une bonne énergie. Hein, ça, c'est très important. Oui, alors ça, faut le savoir, mesdames et messieurs, voilà. Si jamais vous n'êtes pas dans le milieu de l'humour et que vous écoutez ce podcast, voilà, c'est la phrase. Si on te dit que tu as vraiment beaucoup d'énergie, il faut arrêter ce métier. Arrêter l'humour, exactement. Il faut arrêter l'humour. Bah, écoute, bravo, belle énergie ce soir. Belle énergie. Belle énergie. Ou le pire, je pense. Comment tu l'as senti? Ta gueule. voilà. Comme un silence qui fait mal. Non, moi je fais un personnage qui s'appelle Bibou, que tu as vu tout à l'heure. Que je fais à. Un psychopathe que je fais à une collègue. Je suis censé le faire à Martine, qui est une collègue. Et bon, bah, la dernière fois, mais j'ai adoré ce lieu, hein, j'étais à Meximi au Carioca. Et j'ai dit bonsoir madame, comment vous appelez-vous? Eh bien, figure-toi que c'était Martine. Oh mon Dieu. Eh bien, voilà. Donc c'était parfait. C'était un cadeau. Pour le coup, c'était une belle anecdote parce que pour le coup, les gens ont rigolé. Bibou donc, a eu une toute autre saveur, quoi. Bibou a eu une toute autre saveur. Et non, après, bon, faut peut-être pas forcément le dire, mais je le fais un petit peu aux petits enfants qui rigolent. Et moi, j'ai un problème, tu l'as compris, avec les enfants. Et j'ai fait des rencontres qui sont magnifiques. Et tu vois, autant. Bon, allez, je vois des gens qui me font des signaux. Ce sont des policiers. Ouais. Et tout de suite, allez, la garde à vue. Alors, avant de partir, j'arrive, messieurs. Avant de partir, la vie est une galère, mais soyons ensemble. Tous des frères. Merci beaucoup. On te retrouve donc sur Julien Santini. On tape Julien Santini. Exactement. Sur les réseaux sociaux. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etahi, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.